Bon, bah écoute, ça va, c'était pas trop long. Ah, c'était bon, Ah, je suis mais désolé, c'est bon, mais c'était bon. Bon, Mais si, mais en fait, non! c'était comme une thérapie Et tu sais quoi? En fait, je devais finir comment? Je devais finir en disant, est-ce que tu crois vraiment à Warmth and brightness will return and renew all the hopes of men? Oui. Est-ce que ça, tu y crois réellement? Oui, j'y crois. Ouais, le fait que ça Ouais, va j'y revenir à un crois. moment donné. Oui, j'y crois. Si j'y croyais pas, je ne le mettrais pas au film. Est-ce que si je te dis Bruce Conner, Bruce Conner, j'adore, oui. 58. Ah, j'adore. J'adore ces films-là. Je les sur mon iPhone quand je me sens pas. Je les vois souvent dans l'avion quand je voyage parce qu'ils me rendent de bonnes émotions toujours. Et exactement ces films-là. Il vient juste avant l'Ipset, 58. C'est quelqu'un qui va inspirer beaucoup de gens. Oui. Et on parlait de Bergman. Il y a aussi le. J'ai vu un movie et c'était étonnant parce que donc, Persona était inspiré par l'Ipset. Mm-hmm. Et quand on regarde aussi le début de movie, on a des amorces de films, enfin, projection, des amorces de films. On a une femme qui se déshabille. Oui. Et ensuite, on recommence. Et dans Persona, on a des amorces, on a un pénis en érection. Oui. Et après, on a l'impression que c'est comme une réponse, en fait, presque à l'Ipset, mais aussi. Oui. À Bruce Conner, en fait, de Bergman. Donc, cette finalement imperméabilité entre des auteurs et entre. Est-ce que pour toi c'est important ce côté imperméabilité qui n'est même pas de genre, comme on disait, c'était un petit peu l'idée finalement d'ici, c'était quand on est sorti presque du week-end, pas de genre, pas de technique et juste l'envie. Juste l'envie. Qu'on a. Oui, c'est exactement ça. Et puis, il y a une autre cinéaste de cette époque-là qui était dans la même gang, Stan van der Beek, à la Motte. Je ne sais pas c'était qui le premier, en fait. C'était un mouvement, une envie de s'exprimer en montage, en émotion. Donc, Et pourquoi ils ont perdu? Pourquoi Burroughs? Pourquoi on fait plus vraiment de romans en cut-outs? Pourquoi on fait plus de films en cut-outs complets, on va dire? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a peur enfin, l'expérimentation est bon une fois et puis après on passe à autre chose? Ou pourquoi? Tu sais, moi j'essaie toujours de me répondre à cette question parce que il faut que j'analyse toujours qu'est-ce qui se passe. Et je n'ai pas vraiment la réponse. J'ai juste un sentiment que on habite dans une époque dans laquelle il y a moins des émotions. Tout est devenu trop plate, trop. C'est comme il n'a pas up and down, c'est pas assez bipolaire. Mais je pense que cette période est à la fin. Et puis si on utilise des livres, si on parle de, par exemple, la fin d'histoire de Fukuyama, de Francis Fukuyama, un livre philosophique dans lequel il explique aussi qu'est-ce qui s'est passé dans notre monde, on n'a pas assez d'antagonistes. Mais ça, j'ai le sentiment que ça va finir très, très, très, très vite et on va avoir sûrement, on va avoir d'explosions, de nouveaux mouvements. Ça va être quoi? Est-ce que ça va être l'anarchie de l'Internet? Est-ce que ça va être ça qui va apporter de nouveaux mouvements, d'expérimentation et de choses libres? Mais ça arrive, quoi. Sauf que je ne sais pas si ça va être si fort comme il a été. Et puis, on doit faire attention les choses de qui on parle, de Burroughs, de Bruce Conner, de Lipset, de Stan van der Beek. Ils ont été importants pour le temps, mais ils ont été plus importants la décennie après ce qu'ils ont été créés. Parce qu'ils ont créé un mouvement, on n'aperçoit jamais des œuvres d'art telles quelles dans le moment dans lequel ils ont été créés. Et il faut toujours passer à quelques temps. Nous voyons tout pour l'instant à travers un miroir de façon mimétique. C'est le début. Ingrid Bergman. de l'Ipset, c'est Bergman. Oui, c'est tout à travers des miroirs. À travers un miroir, oui. Et à la fin, on voit l'Ipset qui se répond. L'Ipset adulte qui répond plus ou moins au l'Ipset enfant, c'est la seule fois où on voit en fait l'Ipset quasiment comme il est. Est-ce que ça veut dire que en fait, comme si à la fin, puisqu'à la fin on va apprendre que les gens de l'Ipset sont pas inventés, mais en tout cas voilà, comme tu dis, c'est très documenté. Donc, est-ce qu'il y a un jeu là-dessus de toujours de se répondre? J'ai l'impression que les films, dans ce chaos que sont tes films entre guillemets, dans un chaos, il y a toujours des réponses internes. À l'intérieur du film, que ce soit au niveau de la musique, du son, de l'image, il y a toujours une discussion, comme s'il y avait une discussion à l'intérieur du film sur les images en elles-mêmes. C'est un miroir. Tout le temps. Tout le temps. Le film, tout est un miroir. Est-ce que c'est pas trop compliqué des fois? C'est trop compliqué, oui, c'est trop compliqué, mais c'est ça, c'est des psychoanalystes comme Lacan. au début, quand j'ai commencé de faire le film, je lisais beaucoup Lacan, la théorie des stades des miroirs et tout ça. Donc j'étais pas mal inspiré, et presque tous les films, en fait, c'est inspiré par ces livres-là de Lacan. Le cinéma en tant que rêve, le cinéma en tant que musique, aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience diurne pour toucher à le sentiment au fond de sa chambre crépusculaire de notre âme. Une petite misère de notre nerf optique, un choc, 24 images lumineuses par seconde, entre ces images, le noir. Mais notre nerf optique n'enregistre pas le noir. Lorsque je suis à la table de montage et que je passe le film image après image, je ressens encore la vertigineuse magie de mon enfance. Qu'elle se taise ou qu'elle se parle, ses ombres s'adressent directement à la chambre qui est en moi la plus secrète. C'est tiré de l'Interna Magica de Bergman. Cette idée de montage, qui est absolument fondamentale dans ton cinéma, de Tower Bauer, dans tous les films, d'où il vient et pourquoi? J'ai une double question en fait. Pourquoi, alors que le cinéma s'est construit là-dessus, et même si Kuleshov, Vertov et Eisenstein n'étaient pas toujours d'accord dans leur conception, ça s'est quand même construit, le cinéma avait la base du langage cinématographique. Pourquoi aujourd'hui finalement le montage, à part dans certains films, comme les tiens, ou comme l'Ipset évidemment avant, pourquoi c'est un peu perdu cet art du montage, où maintenant c'est un montage qui est plutôt narratif, c'est plutôt pour raconter une histoire. Deux questions. Qu'est-ce que tu penses de ce que dit Bergman dans cette idée de s'adresser comme ça à quelque chose qui est à l'intérieur? Et après, on passera au montage. C'est une grande question pour le montage. Mais c'est vraiment une question magistrale. Et si on parle de cinéma d'animation, ça c'est la question plus importante, la question de montage et du son aussi. Le montage de son aussi, les deux. Parce que moi, je ne peux pas les séparer. Pour moi, le son et le montage de son sont une chose. Tu ne peux pas créer un montage sans son, tu ne peux pas créer le son sans montage. Ça, c'est le cœur du film. L'image vient après ça, l'histoire vient après ça. Au début, c'est le montage et le son. Et je ne sais pas, ce n'était pas toujours ça le cas avec le cinéma, mais... je trouve récemment qu'il y a un abandon de montage, et je pense que ça arrive que de même sens des bruits, les chances ont peur des bruits, donc il essaye de créer un univers silencieux, et parfois ça marche, parfois non, c'est très difficile de contrôler le silence, c'est beaucoup plus important. Mais aussi dans un film, les plus importants moments sont le moment quand il n'y a rien sur l'écran, quand il y a juste quelques secondes d'écran noir ou blanc. Et c'est ça, c'est le vrai cinéma. Est-ce que tu... Dans le dernier film, il y a quelqu'un qui t'a aidé sur le montage? Oui, j'ai travaillé avec une montagiste roumaine, Oana Suteu. C'était important, c'était parce que... Pour prendre aussi un peu de recul par quelque chose qui était tellement dur. Oui, en fait, mon film était pas mal prémonté avant ça. Donc, c'était un film déjà construit avec montage et tout ça. Et quand je lui donnais Oana, je lui dis, OK, fais le montage comme c'est ton film. Et je l'ai laissé travailler pendant 2 semaines sans rien regarder. Et donc, je lui donnais une liberté absolue pour créer son propre film. Après ça, je suis allé, je l'ai vu et je l'aimais. Et il y a beaucoup de choses qu'il a changé. Même, je me souviens pas, je me souvenais pas de qu'est-ce qu'il a changé. Et je lui dis, cette chose-là, j'aime pas ça, j'aime pas, est-ce qu'on peut faire comme ça, comme ça, comme ça? Elle a changé, donc c'était comme ça. Je donne toujours la liberté aux gens avec qui travailler parce que je pensais que mon film, avant que je le donne à Oana, c'était trop masculin. Il avait trop de testostérone. Et j'ai eu besoin d'une touche féminine qui va calmer un petit peu des choses parce que c'était trop chargé, mais c'est mon nature. Donc elle m'a aidé beaucoup sur, on va travailler toujours, j'essaie toujours de trouver quelqu'un qui fait absolument au contraire de ça ce que je fais moi. Parce que comme ça, c'est le miroir. Le miroir. Encore le miroir. Est-ce que Céline Sen justement fonctionne bien, ou en tout cas il a le succès qu'on connaît, pas les récompenses, mais en tout cas le succès, le film marche bien, c'est parce que justement c'est un mélange et il y a toutes ces personnes qui sont différentes. Je suppose que même si t'entends bien Chris Robinson, je connais pas, mais c'est un personnage quand même assez important dans l'animation. Il y a Chris Robinson, il y a bien sûr Xavier Dolan, j'ai envie de parler. Vous n'avez pas les mêmes âges, vous n'avez pas les mêmes choses. Il y a David Bryant, dont on parle trop peu. Quand on parle, parce que c'est quand Mais même la j'aimerais qu'on musique parle parce que c'est très est très important. important. On a l'impression d'un film presque choral, enfin un film comme tous les films, mais là vraiment on a l'impression qu'il avait besoin d'avoir toutes ces énergies pour parler de l'Ipset et donc pour parler même de la création et de plus de choses. C'était très important. La meilleure chose avec ce film-là, c'était la magie. Il y a eu une magie qui s'est passée autour. Et cette magie-là vient des personnalités d'Arthur Lipset, évidemment. Tout le monde a embrasser ce film-là comme le sien. Il s'en faisait son propre film, son propre réflexion sur les œuvres de Lipset. Tout le monde qui travaillait sur le film ont adoré Arthur Lipset. David Bryan est une des plus grandes fans d'Arthur Lipset. Il est collectionneur de ses, dans l'époque 70, ils sont sortis de LP avec les sons des films d'Arthur Lipset. Donc, Very Nice, c'est juste comme LP. Et c'était sorti dans 500 exemplaires. Et David Bryan l'a tous. Parce qu'il s'intéresse de ce genre-là. Pour lui, Arthur Lipset, c'est premièrement une musicienne qui a travaillé avec le son, en arrangeant les voix. Et c'est ça que David Bryan et Godspeed You Black Emperor travaillent beaucoup. Si tu écoutes une tune de Godspeed You Black Emperor, c'est du cinéma pur. On entend les voix dans le genre de Lipset, on entend la même chose que dans le film de Lipset. Et c'est une musique magnifique, quoi. Donc, j'ai toujours dit, les journaux de Lipset, ce n'est pas mon film. Ce n'est pas moi qui crée ce film. C'est un film collectif autour d'Arthur Lipset. C'est un film de Chris Robinson. Olivier Cahover qui a fait le son, David Brin qui a créé la musique, Xavier Dolan qui a narré le film. C'est un film de cet collectif lipsettien. Et David Bryan, comment s'est passé le travail? Tu savais qu'il était fan de Lipset avant Non, de lui proposer, ou non? C'est je ne savais pas. C'est encore juste un hasard, décidément. absolument notre hasard avec ce film-là qui est plein avec des choses étranges. Donc, j'ai appelé David Brown et je lui ai dit, écoute, moi j'ai vu que tu fasses la musique de film, c'est sur Lipset. Il était comme, tu sais, oui, il faut absolument que je fasse ça. Elle était super déprimée dans cette époque-là parce que les choses ne sont pas marché bien. Godspeed to Black Emperor, ils ont été arrêtés C'est pas vrai. de faire des concerts. Il essayait de créer plein de nouveaux groupes, comme tous les membres de collectifs et tout ça. Donc, il était un moment quand il ne croyait plus dans la musique qu'il fait, dans les expériments. Il me disait, qui va écouter ça? Qui va venir notre concert? Donc, il habitait dans une forêt avec son chien. Et puis, c'est ça. Et donc, on a trouvé les musiques qui étaient déjà préenregistrées, qui étaient jamais sorties dans une, qui étaient jamais sorties, et tout était là. Je lui dis, ben, on va faire ça, même pas besoin d'écrire une nouvelle musique parce que tout est là. Donc toute ça, toutes ces émotions de dépression d'un artiste, il était là. Et c'était une coïncidence magnifique, quoi. Matisse dit, il est nécessaire que je précise le caractère de l'objet ou du corps que je veux peindre. Pour y arriver, j'étudie mes moyens d'une manière très serrée. Si je marque d'un point noir une feuille blanche, aussi loin que j'écarte la feuille, le point restera visible. Mm-hmm. C'est une écriture claire. Mais à côté de ce point, j'en ajoute un autre, puis un troisième, et déjà, il y a confusion. Pour qu'il garde sa valeur, il faut que je grossisse au fur et à mesure que j'ajoute un autre signe sur le papier. Et pendant tout le long, là, il va parler, il va dire à la fin, une nouvelle combinaison de couleurs succédera à la première. Alors attends, je reprends à ce moment-là. Pour cela, je dois mettre de l'ordre dans mes idées. La relation entre les tons s'établira de telle sorte qu'elle les soutiendra au lieu de les abattre. Une nouvelle combinaison de couleurs succédera à la première et donnera la tonalité de ma présentation. Je suis obligé de transposer, et c'est pour cela qu'on se figure que mon tableau a totalement changé lorsque, après des modifications successives, le rouge y a remplacé le vert comme dominante. Il ne m'est pas possible de copier servilement la nature que je suis forcé d'interpréter et de soumettre à l'esprit du tableau. Ça m'a fait penser à ton film et tous mes rapports de ton trouvé dont en résultait un accord de couleurs vivant, une harmonie analogue à celle d'une composition musicale. Pour moi, tout est dans la conception. Il est donc nécessaire d'avoir dès le début une vision nette de l'ensemble. Et quand on regarde l'Ipset, tout le monde disait, bah tiens, il y a beaucoup de choses, etc. Mais je trouve qu'il y a il y a un peu cette idée de conception de comment se passe le travail avec les différentes couches et comment tu travailles ça. Ah, c'est tout à fait instinctif. Je sais pas, pour moi, je suis pas très cartésien. C'est tout est instinctif. Écoute, quand je commence mon film, je commence toujours avec en créant quelque chose comme animatique, dans lequel on a le montage, on a du son, on a de la musique. Parfois, c'est le premier, c'est la musique même, dans lequel il y a du texte. Donc, c'est plutôt comme une esquisse. Et parfois, là, je commence de jouer avec les couleurs parce que je décide que, OK, ici, j'ai besoin de rouge. Et c'est vraiment comme créer une peinture. C'est comme chaque scène, j'imagine dans certaines couleurs, et je fais la transposition. Et ça, c'est au début de mon film, parce que c'est pour ça qui crée, pour moi, c'est ça qui crée l'histoire. Donc c'est ça, mais c'est tellement intuitif. Je pense pas, je me laisse aller comme dans une peinture expressionniste. Un petit peu comme Matisse a fait avec ses collages de papier de différentes couleurs qui est transposé sur le tableau pour créer ses œuvres. Justement, c'est pour ça que je revenais à Matisse. Il y a vraiment cette idée, je trouve, de composition de couleurs. Et ce que j'aime bien dans cette phrase-là, c'est qu'il dit « Mais au début, j'ai une idée très précise. Mm-hmm. » Quand tu découvres l'Ipset, tu l'as dit pas mal pendant le week-end, mm-hmm. il y a la rencontre avec l'Ipset et puis il y a ce hasard. Il habitait dans le même. Oui, il y a toujours quelque chose au début qui est précis. Voilà, c'est ça. L'idée, le concept de film, c'est toujours précis. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il te veut dire. Et après ça, tout est juste dans le rêve, une fièvre de création. Sauf que quand on regarde le making-of, enfin, juste le petit moment de 7 minutes, il y a des moments donnés où on a l'impression que tu vas craquer, il y a des problèmes où tu te dis bon, je continue ce film-là, mais je ne sais pas jusqu'où il va m'amener. Je ne sais pas s'il va m'amener, comme tu disais, presque au bord de la folie, comme l'Ipset, ou en tout cas quelque chose. Et est-ce que des fois on perd de vue justement ça? C'était la situation quand le making-of a été fait. C'était à la fin du processus de faire des films. J'étais absolument épuisé et je ne savais plus rien. À la fin, c'est plus dur. Parce que la fatigue et tout ça, j'habitais 2 ans dans la tête de quelque chose qui s'est suicidé et je l'ai suivi pendant 24 heures par 24, tu sais. Et c'est pas facile, je te jure. J'étais pas très loin d'être fou. Mes amis sont commencés de s'inquiéter de moi. Et oui, si, mais c'était à la fin du processus. Donc, c'est ça, je pense que j'ai bien sorti de cette temple-là. Où je suis allé, je me Non, non, mais perdu, non, ça, non, mais c'est pas je me grave, suis ça. perdu Ouais, ouais. parce que je me souviens de cette temple-là et comment c'était difficile. Je ne savais pas comment de sortir tellement. C'était comme. Tu sais pas, parce que moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est comme, tu sais, un petit peu comme. Excuse-moi, c'est comme la méthode de Stanislavski avec des acteurs. Moi, quand je fais un film, ben, je suis le Stanislavski. Je me mets dans la peau de mon personnage. N'importe quoi, si je fais un film expérimental ou je fais un film pour quelqu'un qui s'est suicidé, je joue toujours la rôle de mon personnage. Je suis dedans, je respire dedans pour me mettre. En tune, et parfois c'est difficile de sortir des rôles. Plaisanter avec des animateurs studio, Ouais. enfin voilà, de jouer, d'être complètement, et comme tu disais que ton prochain film allait être sur l'univers carcéral, en tout cas sur quelqu'un qui est dans une prison, qui va Oui. mourir, et tu Oui. disais voilà, finir. Ben, une de mes projets, je sais pas encore, c'est toujours si je peux trouver un producteur qui va croire à ces idées. Pour l'instant, ben, j'espère que je vais faire ce film parce que ça m'intéresse tellement de découvrir, de recréer l'atmosphère claustrophobique. Si je te demandais pour revenir sur comment en sortir, c'est que c'est important, je pense, que pour un réalisateur d'avoir en effet, ce, comme Mathis, pas réalisateur, donc elle disait, de savoir où il va. Et Fellini, sur le tournage de 8 et demi, avait marqué sur la caméra, il y avait tout le temps sur la caméra, n'oublie pas que tu fais un film drôle. Juste pour qu'à chaque fois, il ne devienne pas trop sérieux, parce que 8 et demi peut facilement tomber dans le... De la déprime. Voilà, ouais. Un peu comme aussi dans l'Ipset, c'est toujours cette réflexion sur son propre travail, sur sa propre art. Est-ce que toi, il y avait quelque chose comme ça? C'était les amis, c'était des choses qui c'était, te... C'était comme ça au début, on se parlait, on va faire une happy suicide of film. C'était ça la phrase magistrale entre moi et Chris Robinson. C'est pas devenu happy, évidemment, parce que j'ai pas réussi de faire une comédie de ces films-là. Mais quand même, les extraits dans lesquels je cite Buster Keaton, qui sont nombreux dans le film, c'était ça la qui me tenait au-dessus de l'eau. Et c'est pour ça que j'ai fini le film avec toutes ces références sur Buster Keaton, Charles Chaplin et tout ça. Qui sont souvent terribles d'ailleurs, parce que Chaplin, Keaton, c'est des hommes qui vivent contre leur société, contre leur temps, donc avec l'humour. Oui, absolument, avec l'humour. Qui se battent, qui marchent contre le temps, la société, le monde, et lui-même, contre lui-même. Quand tu fais dire, quand il dit j'ai jamais eu l'impression d'être là où j'étais, c'est quelque chose en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, qu'on se pose souvent, se dire qu'on est devant. Toujours. Je parle pas forcément de l'homme, hein, mais en tout cas, voilà, en train de dessiner, de se dire qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça. C'est une doute constante, quoi. Mais est-ce qu'on en a pas besoin de ce doute-là tout le temps? Oui, on a besoin. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'avais noté ça. Verissade. Verissade. Oh, very nice. Bon. À un moment donné, il dit les états humains comme œuvre d'art. Il y a cette idée de tristesse, mais pas de tristesse. C'est ça qui était terrible, puisqu'à la fin, il dit bien... voilà, partir ne pose pas de problème en soi. Au contraire, j'ai même aimé partir. Ça doit être difficile aussi d'un seul coup d'avoir quelqu'un qui où c'est finalement c'est pas happy, c'est pas drôle comme film de suicide, mais quand même c'est finalement après tout c'est pas il a des j'essaie de garder un petit peu des distances dans certains moments de le fait, mais même si on est un petit peu cynique si tu parce que je voulais pas que les gens se suicident après qu'ils voient ce film là, ce serait trop difficile et trop cheap. Je pourrais faire ça et c'est pour ça que j'ai mis cette arrête. C'est comme le film est très fragmenté avec des différentes arrêtes sur l'histoire et sur la motivation même de personnages. Dans l'Ipset, les Oscars sont presque traités comme un cirque. Il y a un cirque juste avant et on a cette cérémonie. C'est quoi l'auteur? Et pourtant, encore une fois sur ton blog, il y avait il n'y a pas longtemps A Week of Vanity, une semaine avec tous les prix qu'a reçu l'Ipset. C'est l'ambivalence de l'artiste, c'est-à-dire qu'il a envie d'être quand même reconnu. Sans en avoir. Il en a besoin sans avoir envie. Comment ça se passe? Écoute, pour moi, c'est vraiment quelque chose bipolaire. Comme tu as dit, bien, un artiste toujours cherche d'être reconnu parce que quoi, on fait pas notre film, notre tableau, notre livre pour que notre mère les lire et voir. Justement, on a besoin d'un petit peu de public, on a besoin de gens qui discutent autour de toi. Mais à un certain moment, plus que tu cherches que les gens veulent discuter et cherchent ton film, plus que tu te rends dans un cirque. Et dans un certain moment, tu deviens comme le clown dans le cirque. Tout le monde t'attend. Et le moment de ton numéro vient et tu sors. Après ça, tu te sens complètement perdu. Et tous tes sens sont perdus. La tête se tourne très vite. Tous tes sentiments sont perdus. Tout ça commence d'en avoir aucun sens. Et tu sens comme vraiment juste de vanité, rien d'autre. C'est comme, je sais pas, le tapis rouge marche pas pour l'art pour moi. Les tapis rouges sont pour entertainment et ils sont pour des paparazzi et pour des gens qui font des photographies. Mais de mettre un artiste dans un tapis rouge, c'est de le mettre en pleine vitesse vers la mort, quoi, vers le manque d'inspiration. Manque de susceptibilité des émotions. Et ça, c'est très important pour un artiste. Parce que si tu te rends d'être. De ne pas réagir des événements, tu es mort un petit peu. Ça veut dire que tu penses que on peut perdre le contact facilement avec soi-même finalement si c'est les ça autres, qu'on fait. Voilà. Oui, c'est ça, on perd le. Oui. Ça t'arrive des fois de te dire oui. Quand. Oui, je me regarde après ça, je dis mais écoute, ça c'est pas moi, qu'est-ce qui se passe. Et c'est rien, tu sais, c'est une statuette que tu tiens dans tes mains et c'est stupide. Et tu comprends, tu te rends compte que c'est stupide, mais ça te tourne la tête et ça te change complètement. Et c'est pas la façon que tu réagis le jour après ça, après les événements. C'est incroyable, toute cette. C'est comme un cours de vélo ou je sais pas quoi. C'est pour ça que tu dis à un moment donné, toujours sur. Parce que tu participes beaucoup sur le blog, en fait, tu mets beaucoup de choses, ce que tu penses, il y a des choses. Et tu dis, après, on va pas reparler de ça parce que, mais la fameuse. De débat, la discussion, je sais pas ce que c'était, sur l'affiche que tu avais fait pour Ottawa. Pour Ottawa, oui. Et tu pars de l'IPSET et tu dis. Alors, c'est quelque chose. Alors, je vais essayer de la retrouver. Parce que j'ai tout noté, mais tu dis. J'espérais que l'animation. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Tu disais, j'espérais que l'animation était un art à part entière. Je me suis peut-être trompé. Peut-être que l'IPSET sera mon dernier film. Ce qui n'est pas le cas, on le sait. Mais en tout cas, voilà, tu dis quelque chose d'assez fort. Ce qui me faisait penser à Winsor McCay. Au tout début du cinéma, il y a une fameuse phrase où il aurait dit devant un banquet de gens qui avaient créé des studios, qui a dit « L'animation aurait pu être un art, vous en avez fait une industrie, vous avez tué le cinéma d'animation. » Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on sort un film comme ça, qu'on le donne au public, on est forcément ce côté, si on est en rapport avec soi-même, à un moment donné, un peu dépression, en tout cas à un moment donné difficile, et qu'il est difficile de revenir à l'autre rive pour en faire un nouveau? Merci de faire ce commentaire, c'est ça, exactement ça que je pense. C'est toujours comme ça le sentiment, quand une fois tu as fini ton œuvre, après ça, tu tombes dans l'état de dépression parce que tu vois que ton enfant est sorti, tu n'as aucun contrôle sur ça. Et ce n'est pas tout à fait la façon que tu as imaginé que les gens perçoivent ton film. C'est toujours, mais tu n'as aucun contrôle. Tu vois que ça devient une industrie, mais ça c'est dans toutes les formes d'art, j'imagine. On n'a pas le choix. C'était toujours comme ça. La situation idéale dans laquelle un cinéaste, artiste, etc., écrivain a écrit ses œuvres, tu sais, c'est comme Salinger de rester coincé dans son. Maison de rien de sortir, de se cacher des photographes, c'est très difficile à faire en fait. Ouais, Et puis je sais pas s'il a de sens à tout ça. Mais c'est toujours c'est tellement de maniaque ou dépressif de créer des œuvres, de voir après ça, de parler de tes œuvres et d'entendre des gens. Heureusement, les gens réagissent jamais de la même façon sur une œuvre. Chacune voit des choses différentes et plus complexe ton œuvre est. Plus de commentaires différents tu reçois. Et plus de discussions, c'est toujours différent. Et c'est ça qui est bon. C'est le bon côté. Comme j'ai dit, on va faire On va sauter. une idée de collage. Donc, malheureusement, il y a plein de choses à dire dessus, mais on va passer sur complètement autre chose. Vas-y. Il y a Don Byas, qui est un jazzman connu, et qui dit, on lui demande d'où il vient, et il parle d'Art Tatum, grand pianiste jazz, et qui lui a dit un jour, il n'existe pas, je vais le faire en français, mais il n'existe pas de choses comme une fausse note. Une fausse note n'existe pas du moment que tu sais la note que tu vas mettre après. On te dit toujours, bah attention, là, il y a des fausses notes, il y a des choses. Est-ce qu'en animation, quand on voit quelque chose comme l'Ipset, quand on voit quelque chose qui joue énormément, et on va reparler du montage évidemment après, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel on passe justement, et pareil, il n'existe pas de fausses notes. Est-ce que les fameux plans, le 360 degrés, des choses comme ça, est-ce que c'est quelque chose que toi tu fais attention ou non, une fois que tu es emporté par le film? Je fais jamais attention de la fausse note. Moi, j'adore tout ça. L'animation, c'est du jazz. Si tu fais de l'animation parfaite, ça va être tellement ennuyant, je trouve. Et je te dis, je déteste les films parfaits. Je déteste les films super bien faits, dans quelle l'histoire est. Super bien construit, dans lequel tous les designs, tous les côtés graphiques et 100% impeccable, dans lequel les personnages se bougent comme tu sais, tu peux pas trouver aucune erreur. Pour moi, c'est comme dans la vie, quoi. Si tu, on n'aime pas toujours la femme parfaite. Tu sais, parce que la femme parfaite, ça existe juste sur la couverture de magasins de mode. Et il y a beaucoup de Photoshop dedans. Puis, mais si on voit ces femmes-là dans la vie réelle, est-ce qu'on va tomber amoureux d'elles? Jamais. Il doit avoir des défauts, quoi. Il doit avoir quelque chose qui va nous faire tomber en amour. C'est ça. Des aspérités, des choses un peu compliquées comme ça. C'est ça. Et pourtant, il est bon de savoir qu'il y a comme une cohésion dans tout ça. C'est une phrase dans Very Nice, Very Nice. It's good to know that there is a sense of cohesion in all of that. Donc on a besoin, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça. C'est encore une fois, on est dans cette espèce d'ambivalence, cette espèce de dire, on a besoin peut-être de quelque chose de libre, et à la fois on a besoin d'avoir quand même une cohésion. Quand on fait par exemple quelque chose comme l'Ipset, mais on peut parler évidemment aussi de Thurber Bauer, on peut parler de comment on écrit ou comment on n'écrit pas son film. Ben, c'est très difficile d'expliquer ça. Est-ce qu'on écrit les films ou les sentent plutôt? Est-ce que c'est le mot qui vient premièrement ou c'est la structure ou le son ou l'image? On ne sait jamais. Tu sais, parfois. Moi, je pense que le plus grand écrivain de notre temps, ils arrivent jamais premièrement avec les mots, et ils viennent avec l'image, toujours avec le rythme. Tu sais, les écrivains des époques des jazz, c'est pour ça que j'aime beaucoup Fitzgerald et après ça Burroughs et tout ça. Les hippies, les beatniks, parce que là, il a toujours des sentiments de temps et de rythme. On a toujours sur le riff d'une guitare ou sur le riff d'une fausse note. Donc c'est toujours comme ça. Donc ils sont jamais écrits ces romans, ils sont sentis. C'était quelqu'un l'a écrit. Donc c'est ça, dans le cinéma, c'est toujours comme ça. Ah ben, je pense aussi des derniers films de Bellatar, qui est une cinéaste que j'adore. Et puis, il n'a pas écrit un scénario. Tout était suivi une après l'autre. Juste des images, des images. Ben, on parle de cinéma pur, quoi. Comme Bresson disait, il faut toujours avoir au moins 15 secondes. Je cite par mémoire. Il doit avoir toujours 15 secondes de cinéma pur. Il explique c'est quoi cinéma pur. Par exemple, il a une chasse ou une suspense dans le film. Mais dans ce moment-là, on doit voir par exemple l'eau dans une rivière, une main qui passe sur ça pour recréer des émotions. Donc, c'est ça le cinéma pur quand. Sinon, ça devient littérature. Et ça devient mauvaise littérature. Parce que. J'étais surpris d'ailleurs qu'on cite pas Bresson pendant tout le week-end, parce qu'il fait, est-ce qu'il fait de la fiction documentarisée, puisque c'était quasiment tout le temps des gens de la vie, on va dire, c'était pas des acteurs, c'était des non-professionnels. Donc Absolument, j'étais oui. surpris qu'on n'en parle pas finalement et qu'on franchisse pas non plus cette frontière entre fiction et documentaire pendant le week-end On a parlé de trois choses, là. donc c'est peut-être que c'est pour ça on a oublié. Il y a 40 ans déjà, dans Very Nice, Very Nice, il disait: j'ai l'impression qu'on est dans un monde où les gens ne veulent plus s'impliquer. C'est ça, voilà. C'était il y a 40 ans. Est-ce qu'aujourd'hui ils veulent plus s'impliquer? On a bien vu aujourd'hui C'est la même chose. qu'ils ont du mal à s'impliquer encore. Est-ce, donc, mais toi, tu vois la fin de ça quand même, tu vois? Peut-être qu'on a un tournant? C'est que tu es optimiste. Je suis optimiste, c'est pour ça que je dis ça. Donc, il faut toujours croire que les choses vont se passer, mais c'est pour ça que j'aimais le film d'Arthur Lipset quand je l'ai vu pour la première fois, parce que tout ce qui est dedans, c'est comme le film est fait hier. Tu sais, ce sont des idées qui sont pas vieillies. Parce qu'on sait, il y a beaucoup de films qui vieillissent très mal. On pense que quelque chose, c'est une œuvre d'art, c'est une incontournable. Mais on le voit après 5 ans, mais on dit, c'est rien. Et vice-versa, au contraire, il y a des films qui passent inaperçus. Comme on se parlait du film de Denis Stoupikov, qui n'a pas eu de grand succès quand il est sorti. Maintenant, on le voit et on le fait le découvrir. Il y a beaucoup de films qui vont se passer la même chose. Et des livres, on a chanson qui existe. Donc, il a quelque chose à découvrir. Au tout début, on commence par un projecteur dans l'Ipset, et à l'origine, tout était blanc. Et d'ailleurs, à la fin, enfin, et à la fin de cette petite phrase, de cette introduction, il y a marqué c'était chez moi. Et tout était blanc, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, puisqu'on a commencé par un projecteur, l'écran de cinéma, la feuille de papier, ce genre de choses. Est-ce que tout commence là, tu disais tout à l'heure, et est-ce que. L'Ipset est vraiment un film aussi sur le cinéma et sur le pouvoir du cinéma. C'est pour ça que je citais Bergman, on aurait pu citer des Absolument. musiciens ou quoi, mais c'est vraiment ça aussi. Il Oui. hein, y a vraiment cette idée d'être. Oui. Est-ce qu'on peut être sauvé? Et il le dit à un moment donné. Les films le sauveront. Est-ce que le cinéma peut nous sauver? Voilà. C'est la question essentielle de ce film. Et Le film est pour ça. est-ce qu'il y a une réponse? Jamais. Il n'y a jamais de réponse. Le cinéma ne peut pas nous sauver, mais nous, on peut sauver le cinéma. Donc, c'est ça, la Vraiment? réponse. Oui? Est-ce qu'on Oui? peut d'un seul coup Oui? faire que le cinéma ne soit plus uniquement ce qu'il est aujourd'hui et l'amener dans un autre chemin? Oui, je pense que oui. Oui, je crois à cette idée-là. Oui, parce que vous savez, cette idée de débouger des images, parce que quoi, le cinéma se joue entre c'est la lumière, quoi. On crée des émotions par commençant de défragmenter et de déconstruire la lumière. Et c'est ça qui est la magie du cinéma. C'était au début. Et maintenant, ça continue d'être comme ça. L'optimisme qu'on voit depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a cette phrase dans Very Nice, Very Nice où il dit tout le monde se demande à qu'est-ce qu'on va avoir dans le futur, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, qu'est-ce qui nous attend. Mais si vous vous sentez bien, quoi qu'il arrive, vous continuerez à vous sentir bien. Oui, pourtant, oui. Dans Very Nice, Very Nice, c'est sur une image de champignon atomique. Donc c'est difficile d'être optimiste finalement. C'est toujours les deux. C'est ça la bipolarité. C'est ça, voilà, c'est la complexité d'être dans le... Vous savez, les gens deviennent plus optimistes dans le temps plus dur de l'histoire de l'humanité. Je me souviens des écrits de Walter Benjamin, qui écrivait des textes magnifiques et les plus lumineux de l'histoire de la culturologie dans l'époque, quand il était dans l'époque de fascisme et de guerre, deuxième guerre. Et puis il était tué même dans cette époque-là. Donc voir les gens, la force d'être humain, c'est aussi de chercher cette côté lumineux dans un temps quand tout ressemble à désespéré. Il y a une phrase de Walter Benjamin qui est début de Druckflux, qui, mm-hmm. C'est seulement à cause de ceux qui sont sans espoir que l'espoir nous est donné. Exactement, c'est voilà, ça. À la fois c'est terrible. Oui. Comme phrase, ouais, c'est vraiment c'est terrible, mais c'est ça la vérité. Est-ce que pour revenir à cette idée du cinéma salvateur, qu'il n'est pas finalement pour Lipset, parce que finalement il va finir par se suicider, oui. Et est-ce que c'est cette idée quand même de, on est là-dedans et on en parlait par rapport à Xavier Dolan, mais on peut parler évidemment tout le début avec ce petit garçon, mm-hmm. et sa luge qui fait irrévérablement penser à Citizen Kane. C'est référence directe. Voilà, avec Rosebud. Avec cette enfance en plus qui lui est volée, comme l'enfance plus ou moins, enfin si lui est volée, voilà. Parce que sa mère part, enfin on sent qu'il a que Lipset. Et y a cette angoisse, on revient un petit peu à ce qu'on disait au début, il y a cette angoisse du réalisateur de à un moment donné, de plus avoir rien à dire, ou en tout cas qu'on l'enferme, comme tu disais. Que... Le cas avec Lipset, c'était pas qu'il n'a plus rien à dire. Le cas avec Lipset, c'est que son enfance était volée et son cinéma était volé aussi. Pourquoi son cinéma? C'était pas qui abandonnait le cinéma, son cinéma était volé. Il était volé par des gens différents, par ses amis qui sont utilisés comme une trampoline pour être célèbre et connu, qui ont eu certaines jalousies, ça c'est premièrement. Son cinéma était volé par certains fonctionnaires à l'Office national du film qui ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Mais ça arrive très souvent, ils ne comprenaient pas ni McLaren, ni Lipset, ni Claude Jutras. On parle de Ryan Larkin, qui est dû partir, ou même c'est personnel aussi. Il ne comprend pas mes films. D'accord. Un guillemet, mais il ne sait pas parce qu'ils ont des succès relatifs. Donc quand les films ils sont succès, ils travaillent pour avec ça. Avec Lipset, mais ça va, ça te donne un sursis. Oui, c'est ça. Mais dans un moment, quand mes films vont arrêter d'avoir succès, accepté sur le festival, etc., de gagner des prix, ça va se passer la même chose. Avec ces films-là, je me préparais de ce moment-là. Donc, au lieu de me suicider, non, je vais continuer de faire des films. D'ailleurs, j'espère. Mais oui, c'est ça. Le cas de Lipset, ce n'est pas le cas de Ryan Larkin. Lui, il pensait qu'il n'a rien de 10 en plus. Mais en fait, Ryan Larkin, il n'a jamais dit quelque chose. Il a deux films qui, En Marchand, c'est un bon film. Pour moi, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. Il a de bons sentiments, il a de bons rythmes, tout ça. Mais c'est un film pas profond. C'est un film un petit peu à côté. C'est un film qui il a pas de, il a pas vraiment de génie dedans. Au contraire, Arthur Lipset a eu toujours quelque chose à dire. Même quand il ne faisait pas des films, parce qu'il était plus capable de faire des films, c'était pas possible, il faisait ses collages. Qui, tout le monde disait, mais c'est fou ça, ce que tu fais, c'est du collage. Mais si on cherche des dents, non, c'est pas faux. C'est absolument dans la tempe. Dans la tempe, il y avait beaucoup d'artistes qui s'en faisaient des collages. Et même maintenant, ils font la même chose qu'ils le faisaient. Si on cherche sur l'art moderne maintenant, on va voir beaucoup de choses qu'Ipsota faisait. C'est comme des phrases tirées de périodiques, des reportages, des journalismes, des photographies qui ne sont pas mises avec le bon texte, de changer le discours. Je me souviens, toujours ça me vient dans la tête des artistes comme Dan Petrovski et tout ça. Les Roumains et beaucoup des autres qui font maintenant ça, les petits collages qu'ils ont pas l'air sérieux. Donc Ipsota toujours faisait ses collages, il ne faisait pas des films qui sont perdus, mais c'est ça, il n'a jamais arrêté d'expliquer ses idées et de tourner autour de ses idées. Yeah. ça c'est dérangeant dans la tête ou pas. Je sais pas, est-ce que c'est quand on vient d'une première langue culture et qu'on arrive dans une culture où il y a deux langues, oui, qui sont les deux, et il y a quelque chose que je trouve, oui, très étonnant sur ton site. Tu dis, il y a un ami qui dit à un moment donné, mais pourquoi tu fais pas ton site en français, et tu dis les images sont en français, oui, l'anglais est uniquement là pour le sous-titre. Et c'est absolument ça, c'est ça que je pense. moi je dessine en français et j'écris en anglais, et dans la tête c'est un film avec des sous-titrages. Donc c'est vraiment difficile, mais en même temps, je pense que je vais développer une autre réaction sur la langue. Pour moi, les langues sont ont pas le même sens comme les autres gens, j'imagine. Pour moi, les langues c'est devenu des syllabes et des tons et des musiques, plutôt que quelque chose qui porte du sens. Et je pense qu'on sent ça dans mes films récemment, parce que moi, je tente d'utiliser la langue vraiment comme une musique. L'histoire, par exemple, dans Lipset, l'histoire n'est pas sur les mots, sur le texte, c'est sur le son. C'est ça que je pense. Et quand j'essaie d'expliquer ça aux gens, ils me disent, ben non, c'est pour ça le langue qui a été créé, pour rencontrer une histoire. Je dis, non, le langue crée pas une histoire, il crée de la musique. Et l'histoire, c'est dans les tonalités. Donc, chercher les tonalités, pas les mots, tels quels. C'est ça qui est étonnant dans l'épisode, parce que finalement, comme on en avait parlé, les dialogues sont assez simple, en tout cas, pourquoi la vie, enfin, okay, pas simple, c'est des grandes questions, mais c'est juste bavardage de quelqu'un qui, tu sais, comme on fait toujours, bah, c'est quoi ça, c'est même des clichés, si vous voulez, oui. Donc, mais ce qui est drôle, c'est que quand on a la version française et la version anglaise, mm-hmm, on a deux films mais différents, c'est tout, et pourtant c'est la même voix, c'est Xavier Dolan qui fait les mêmes voix, oui, et pourtant on a deux films complètement différents. C'est ça, mais c'est toujours le cas avec mes films, peut-être c'est à cause des... les deux langues sont pas maternelles. Et si je le fais en russe, peut-être ça va être un troisième film. Et c'est une bonne idée, j'ai pensé de faire un film en russe ou en japonais. J'adore le film avec la langue japonaise. Parce que là, finalement, les gens ne vont pas écouter qu'est-ce qu'ils disent. Ils vont se laisser sur la musique. Et c'est pour ça que je vais faire un film qui est narré en japonais. Parce que juste les gens au Japon vont comprendre, vont écouter le trame narratif. Si je te dis, je ne crois pas que le cinéma comporte des genres, il est lui-même un genre. Si nous nous mettons à parler de genre, nous entrons dans un système qui vient du cinéma considéré comme une entreprise commerciale. Mm-hmm. Il m'est difficile de croire que je pourrais avoir un genre particulier présent à l'esprit quand je commence à faire un film. Le cinéma est un art complexe, un art profondément poétique. Mm-hmm. Il n'a besoin de nul schéma qui violente ses potentialités. En ce qui concerne les significations allégoriques de mes films, il me faut être très prudent. Toute œuvre d'art se prête à une interprétation allégorique, impossible de l'empêcher. S'il donne l'impression, et à la fin il dit, donc c'est, je vais dire qui dit ça, à la fin il dit « Je ne définirai pas mes films comme allégoriques, il parle de sujets qui m'intéressent. S'il donne l'impression d'être allégorique, telle n'était pas mon intention. » C'est Tarkovsky qui dit ça. Et je trouve que par rapport à Lipset et par rapport à ton travail, est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi, c'est-à-dire cette volonté de dire, les gens vont le regarder en disant c'est expérimental, mm-hmm, et de même pas tenter de chercher à comprendre les frères Coué. J'avais une partie d'interview des frères Coué qui dit, mais nous on veut pas faire des films compliqués, c'est juste les gens qui font peut-être pas l'effort aujourd'hui d'aller chercher des sens de leur signification à eux, oui, finalement. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à, même à Tower Board, à des films peut-être, voilà, oui, dans ce style-là? Oui, ben, je suis tout à fait d'accord, et puis avec Tarkovsky a dit, et puis moi je suis super influencé par le cinéma de Tarkovsky, c'est évident, parce que pour moi, écoutez, est-ce que le Miroir est un film expérimental? Oui, mais en même temps, non, parce que c'est un film qui rencontre une histoire, et c'est vraiment drôle quand les gens me disent, mais tu fais des films expérimentaux, Film expérimental. Oui, chaque film, je fais des expériences avec le style, le langage un petit peu, le visuel. Mais ce qui sont expérimentales, juste parce que la trame narrative n'est pas linéaire. Et on ne dit pas A, B, C, mais au contraire, on dit Z, D, C, et on finit par A. Je pense pas. C'est juste une autre forme de cinéma. Pourquoi on cherche dans un cinéma d'être comme dans un conte pour des enfants? Toujours de commencer au début et de finir à la fin. L'essence du cinéma, c'est quelque chose d'autre. C'est pas juste de rencontrer une histoire comme au fil et aux mesures bien encadrées, c'est de créer l'émotion, des sentiments, quelque chose qui va toucher le spectateur. Et si on parlait de nouvelles technologies, tu as créé un site qui s'appelait Mortadella Mortadella TV, TV qui montrait les films il y a longtemps. Et là récemment, il y a un film qui s'appelle Sou, oui. justement par rapport au Japon, qui était fait pour les téléphones portables. Oui. Moi j'ai vu sur Sundance Channel. Oui. Est-ce que c'est important, et tu dis bien que tes films soient piratés. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Que tes films soient piratés, et même que si la qualité est moyenne, ça leur apporte quelque chose. C'est quoi le rapport de... Ça devient un nouveau film, quoi. Moi, j'adore les artefacts de nouvelles technologies parce que chaque fois qu'un film est piraté, il a des différents outils de compression, etc., etc. Et donc, ça devient un nouveau film, quoi. J'ai vu, j'adore. J'ai donné mes droits de quelques de mes films de différents groupes qui sont créés des vidéos, des promotions pour ces chansons. Et puis, j'adore quand les gens les utilisent pour les remixer. Récemment, c'est une DJ ou VJ, je sais pas quoi, qui a remixé Walking en marchant de Ryan Warkin avec Dux Flux. C'est super bon comme film. Et en utilisant Que sera sera, la chanson. Je trouve ça incroyablement bon et agréable de hybridisation de cinéma génétiquement modifié. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment bien. C'est-à-dire que ces nouveaux moyens peuvent amener encore une nouvelle œuvre. Ben, c'est comme ça les nouvelles choses arrivent. Les nouvelles choses n'arrivent pas comme bouf, ça tombait quelque chose dans la terre, dans notre tête. C'est toujours l'évolution qui amène de nouvelles choses. Et on pense que on recrée quelque chose, on le répète, mais en répétition, on arrive d'un état dans lequel l'œuvre est complètement nouveau. Et c'est du quoi? C'est du marxisme pur, quoi, ça. J'ai juste vu 2 minutes sur une expérience qui a été faite en Slovénie en décembre 2010 avec des images et un Italien, c'est ça, qui a fait de la musique. C'était Andrea dans un festival. Martignoni. Voilà, comment ça s'est passé? C'était quoi? C'était du. Parce que c'est pas du VJing non plus. Ben, C'était ça? c'est VJing, c'est plutôt cinéma direct. L'année passée, en faisant des workshops et des classes de maître autour de l'IPSET, et j'ai décidé dans un certain moment de créer, de finir toutes les classes de maître avec une séance de VJ ou cinéma direct qui dure entre 5 et 10 minutes. Et ça commençait avec Chris Robinson qui a écrit un texte absolument libre qu'on a fait à Montréal. Après ça, ça continuait avec une écrivaine estonienne en Estonie qui a écrit en estonienne. Donc je comprenais rien. Je savais un petit peu de sens. Donc j'essayais juste de sentir la tune des mots. Sans de me rendre sur le vocabulaire et tout ça. Et ça continuait. Et donc, je cherchais des artefacts de tous les pays dans qui je cherchais. Je faisais de ce genre de cinéma direct. Mais le plus bon s'est passé en Slovénie avec Andrea Martignoni qui a écrit la musique sur le film de Blue. Il a créé un univers assez chaotique pour moi aussi. Donc, j'ai créé l'animation la nuit avant la performance. Parce que ce que j'aime dans cette chose-là, que j'utilise jamais la même image. Je crée les images juste avant la performance, sur place, inspiré par la place, en utilisant des choses que j'ai trouvées sur place qui m'ont été inspirées. Donc on fait ça, en fait, je déteste quand ces choses sont filmées. Aucune de ces performances a été filmée, sauf cet morceau qui était filmé par une fille dans le public avec un photoapparat. Je me dis, ok, je vais mettre juste comme exemple la fin, parce que quand on voit ça sur Internet, on ne sent jamais qu'est-ce qui se passe dans la salle, parce que la chose avec la performance, il y a une énergie dans la salle qui te semble et tu répètes. Après, si tu le vois, tu commences de voir des erreurs, ici je pourrais être mieux, et ça commence de penser, ok, peut-être même j'ai pu éditer cette chose-là, et ça c'est le pire qui peut arriver avec un cinéma direct qui s'est passé sur le place. Mais oui, on va continuer avec Andrea Martinoni, on va faire un Dresden cette année, après 3 semaines. Avec des autres gens, ça va être une performance de 48 personnes. J'ai déjà idée, je sais pas si ça va se passer, mais ça va se passer. Qui vont, je vais pas dire qu'est-ce qui va se passer, mais ça va être assez intéressant parce que 48 personnes, ça va être comme un orchestre de cinéastes. Mais on va pas les filmer. J'ai toujours dit non, pas de caméra, pas de choses. C'est sur place. Faudrait être sur place. C'est ça. Est-ce qu'on sent l'obligation de se. Pas tout le temps se renouveler, pas dans le sens de l'envie, mais de jamais faire la même chose complètement. On le voit aussi bien dans la future trilogie. Pour l'instant, il y a 2 films. Oui. Tower Bauer et Drix Flux. Je sens pas l'obligation de me renouveler en tout prix. C'est juste, je peux pas créer si je ne crée pas quelque chose de nouveau pour moi. Pour moi, je dois être surprisé de ce qui arrive pour continuer. Sinon, ça commence de m'ennuyer, ça commence d'être ennuyant pour moi. Oui, il y a toujours le. Oui, je sais pas. Provoquer. Est-ce que donc l'art et le cinéma doit provoquer, pas forcément provoquer. Dans le sens politique, mais est-ce qu'il doit avoir toujours une provocation? Oui. Et donc l'auteur aussi. Oui. Parce que des fois tu te sens provoqué par quand tu faisais l'Ipset par exemple, en disant est-ce que je vais aller vers là, est-ce que quand on travaille des images dures en plus comme il peut y avoir. Oui. C'est toujours provocation. Ouais. On doit provoquer. Sinon il n'y a pas de sens de le faire si on ne provoque pas. Le spectateur est également trop habitué à chercher dans de tels cas un sens. C'est-à-dire une relation extérieure entre les parties de l'image. Ça, c'est quelque chose que dit Kandinsky. Et il dit un petit peu plus loin, aveuglé par les moyens extérieurs, son œil spirituel ne cherche pas à savoir ce qu'il vit par ses moyens. Lorsque nous sommes en conversation intéressante avec quelqu'un, nous essayons de pénétrer dans son âme, nous recherchons son personnage intérieur, ses pensées, ses sentiments, et nous ne pensons pas qu'il exprime au moyen de mots qui sont composés de lettres, ni que ces lettres se ramènent à des sons appropriés, ni que ces sons pour naître, ont besoin de l'air aspiré par les poumons, de l'air chassé des poumons et de position particulière de la langue, des lèvres, etc. Je passe un petit peu. Nous savons que tout cela est parfaitement accessoire pour notre conversation, totalement fortuit, et que cela ne représente que des moyens extérieurs. L'important de la conversation étant la communication des idées et des sentiments. Vis-à-vis de l'œuvre d'art, on devrait adopter la même attitude et profiter ainsi de l'effet abstrait direct de l'œuvre. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase qui est tirée du spirituel dans l'art et le fait que l'abstraction devrait suffire presque. Je pense qu'on partage le même esprit. Moi aussi, j'adore Kandinsky et je pense que c'est une figure magistrale. Et sans délire ce livre-là, mais en général de connaître toutes ces idées de Kandinsky, je pourrais très facilement dire que c'est ça que je pense, que c'est ça la philosophie que j'essaie d'impliquer dans tous mes films, parce que c'est ça pour moi, un film c'est pas juste un sens, et en général l'art c'est pas juste un sens. Il est l'art parce qu'il provoque des émotions, parce qu'il provoque les sentiments Et ça nous laisse respirer ou ça nous fait arrêter de respirer, qui est aussi important. Et quoi, une œuvre d'art, c'est comme courir dans le parc ou c'est comme d'être d'une voiture avec une vitesse de plus de 250 km quand tu perds le contrôle sur la voiture et tu sais pas qu'est-ce qui se passe autour de toi, ça c'est aussi. Ou ben on a bien parlé du syndrome de Stendhal, j'ai oublié ça, cette chose-là. Mais la meilleure œuvre d'art est celui-là qui va nous amener au ce syndrome-là aussi. Alors, c'est à la fois être hors du monde et à la fois quand je lis sur ton blog il n'y a pas longtemps, tu disais, How can I stop myself for not doing a film after the events in Africa and Middle East? Donc, comment je peux ne pas faire un film avec tout ce qui se passe? Juste, à l'époque, il n'y avait pas encore, je crois, le Japon, mais c'était déjà en Afrique, évidemment, au Moyen-Orient. Donc, c'est-à-dire que le cinéma doit quand même être aussi. Donc, doit amener le spectateur hors de son temps tout en étant complètement dans son monde, en fait. Ben, pour moi, c'est très important. Tu sais, moi, j'étais dans le monde d'affiches. Et le monde d'affiches est très, très direct et très inspiré des événements. Et peut-être que je transporte cette chose sur mes films. En fait, le film pour Japon, c'est déjà fait. Je l'ai fait en 3 semaines, mais c'était avant les événements. Et maintenant, je me rends compte que oui, c'est un film que j'ai fait pour la façon comment les gens traitent notre terre et la place où on habite. Donc c'est déjà fait, le film pour l'Afrique, c'est déjà commencé. Donc c'est ça pour moi, l'animation, c'est pas juste de créer un univers irréel et parallèle, c'est un outil de réagir des événements et de les recréer et de faire penser les spectateurs. Et c'est ça. Le film sur le Japon, c'est lequel? Il s'appelle Troisième page après le soleil. Et c'est une référence directe sur la troisième roche après le soleil, parce qu'il est avec la musique de Steve Ray Vaughan qui performe le célèbre tune de Jimi Hendrix, D'accord. Third Stone from the Sun. Donc C'est c'est un film ça. qui est fini, qui est. Oui, c'est fini. Même je l'ai montré à quelques personnes et ils m'ont dit qu'ils adorent le film, mais c'est complètement fou et c'est le film plus étrange que j'ai jamais fait. Donc peut-être il sera sélectionné dans aucun festival, sauf peut-être Ottawa, parce que Chris Robinson l'a vu et il m'a dit I fucking love that film. Donc on sait jamais. Mais c'est ça, c'est fini. Alors moi je ne le connaissais pas, j'ai découvert Yannick Nézin, Seguin, Intermission sans entracte. Il y a plus de calme et pourtant c'est complètement étonnant parce que tu fais. Moi c'est quelque chose qui m'étonne quand le personnage d'Ipset a l'air d'être quelqu'un quand même d'assez pas calme, mais en tout cas quand on le voit dans le film. Maintenant je dis calme, que je me fasse comprendre, c'est il y avait sûrement plein de tumultes, il y avait plein de choses comme on le voit, mais en tout cas on a l'impression. Ben, alors c'est peut-être la voix de Xavier Dolan qui donne cette impression aussi plus de calme, alors que là on a quelqu'un qui est absolument tout en énergie, qui est dans une énergie, alors là, lui il le dit même positive, et d'un seul coup on a l'impression, toi le montage se calme, et il y a beaucoup moins de plans, il y a beaucoup moins de montage, tu joues et on va juste avoir, juste, on va avoir cette. On va revenir même à l'essence même aussi de l'animation, en tout cas l'une des essences, c'est-à-dire que mettre en musique, mettre en image la La musique. musique, oui. Comment s'est passé ça? C'était très court, tu disais que c'était vraiment quelque chose qui avait été fait assez rapidement, c'était une Ben, commande. je le fais juste après que j'ai fini l'épisode. Je pense que même il n'y avait pas 2 semaines quand j'ai fini le film. Et ils m'ont demandé est-ce que tu veux faire ce film-là. Je me dis, ben, écoute, j'ai besoin de me sortir de l'Ipset. Et je ne vais pas sortir si je ne fais pas quelque chose de nouveau. Si je ne pense pas de quelque chose de nouveau. Mais je ne pense pas que j'ai réussi parce que j'étais encore sur cet univers de quelqu'un qui crée. On s'est rencontrés. L'interview était faite par 15 minutes. Le film m'a pris 2 semaines de le faire. Toute l'animation a été faite par 2 semaines. Toute la scénarisation, le montage, tout ça. Parce qu'on n'a pas eu de temps. Mais c'était vraiment agréable comme expérience parce que au lieu de faire un portrait, en fait, j'ai continué de faire ce que je faisais pour l'IPCET. Pour l'IPCET, j'ai déconstruit les films de l'IPCET. Pour Yannick Nezet-Séguin, j'ai déconstruit la musique et son perception des musiques. Je pensais, est-ce que je vais me mettre plutôt sur le côté biographique? Et je me dis, ben non, en fait, la biographie, ça ne m'intéresse pas. La chose qui m'intéresse, c'est son conversation, son vie avec la musique. Parce que c'était évident pour moi que c'est un gars qui, comme Lipset, habite dans ce qu'il fait. Lipset habitait dans ces films-là. Il habitait en faisant des films. Yannick Nezet-Séguin habite en faisant de la musique. Et ce qui est étrangement bien, comme Lipset, Yannick Nezet-Séguin explique très bien la nature de ce qu'il fait, de la musique. Il a très rarement, quand le musicien, pu expliquer c'est quoi qui se passe dans une art abstrait comme la musique. Et lui, il voit des objets. Donc, il m'a aidé beaucoup en faisant de ces films-là parce que tout est plein des images, des idées, des couleurs dedans. Donc, c'était ça. Et puis, l'autre chose qui c'était, c'est j'ai fait pour première fois un expériment. L'animation est faite avec en programmation avec une langue qui s'appelle Processing. L'animation est faite en combinaison entre le mouvement des mains de Yannick Nezet-Séguin, donc estimation, la combinaison des sons de musique, donc mélangée et hybridité, qui avec cette langue Processing, donne la vie des formes abstraites qui j'ai retravaillé à la main après ça pour donner la touche humaine. Mais c'était ça qui était intéressant pour la première fois. C'était vraiment un expériment formal. Tu sais, de combiner la data mathématique de mouvement et de temps. Thank you. tu avais amené Lewis Carroll. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Oui, j'adore. J'adore est-ce que Alice, c'est très, très important parce que on parle de miroir, quoi. Ouais, bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je l'avais amené. Alors j'avais, on est-ce que, j'étais moi-même ce matin ou c'était quelqu'un d'autre? Je pourrais très facilement mettre cette phrase dans le film de Lipset. Je pense qu'il a quelque chose. De... Oui, oui, c'est, oui, oui, c'est, elle a tout un moment donné. C'est pour ça. Que, bah, en plus, c'est drôle parce que c'est un peu le moment que je voulais. Il a de dont je voulais parler. Il a des Pinocchio dans le film aussi. Et puis il y a toute cette, toute cette. Toute cette partie où en effet elle commence à alors qui suis-je, dites-le moi d'abord et ensuite s'il me plaît d'être la personne que vous aurez dite, je remonterai, sinon je resterai ici jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. Il y a tout ce moment où elle tombe, où elle se pose des questions, oui, en se disant après tout qui je suis et j'ai pas envie, et ce moment là, oui, ça c'est quelque chose qui est en effet complètement Lipset, où il dit oui, je suis comme vous et puis à la fois ben voilà, je suis pas comme vous, quoi. Qui je suis Je me réinvente et est-ce que le personnage que je joue maintenant me plaît? Est-ce qu'on est voilà, donc c'est. Je l'ai fait ça parce que quand je parlais avec les gens, tout le monde me disait ben c'était une clown, il a toujours joué, on savait jamais quand il est sérieux, quand il parle sérieux ou quand il fait des blagues. Donc c'est aussi, on savait jamais qui. C'est pour ça que j'ai mis sur le film, on ne sait jamais c'est qui. Tu c'est sais... une recherche de soi-même permanente. Si je te dis deux noms comme ça, Steve Reich et Pélechian, n'ont rien à voir. Qu'est-ce que ça te met comme image ou comme son ou comme, parce que si je dis ça, allez, rapidement même pour le temps, Steve Reich, c'est parce que quand je vois certains films, notamment certains débuts de films de Lipset, ça fait complètement penser à ce côté répétitif de la musique de Reich. Et Pélechian, c'est presque l'inverse, il prend des found footage souvent, mais c'est très lent. Lui, ça s'étale, donc voilà, je voulais savoir le rapport entre ça, ce que toi t'en... Moi, j'adore Steve Reich. Donc, c'est ça, j'adore le rythme, j'adore le minimalisme dedans, et j'adore la structure. Donc, c'est comme ça. Oui. Est-ce que tu peux nous parler alors, pour parler de Steve Reich, du parler du travail en musique qui est fait sur la Tower Bauer et Drux Flux? Ah ben, le lien entre Drux Flux et Steve Reich est très direct parce que en fait la musique qui est dans Drux Flux, c'était la première musique minimaliste et répétitive du monde. C'était créé en 1920 par Alexander Mossolov, qui était le premier d'introduire la répétition et le minimalisme dans cette époque-là. Il était absolument oublié aussi. Moi, j'adore le travail archéologique, de faire découvrir de nouvelles choses, de faire de sortir de nouvelles choses. Donc, le lien est évidemment là, comme Steve Reich, d'être continué cette tradition de des paternistes musicaux comme tout comme John Adams, Philip Glass, Terry Riley. Donc de pattern motif en motif, français, ça pourrait être motif. Paternaliste, ça pourrait faire presque paternaliste. Paternaliste. C'est pour ça que je disais, alors que non, c'est motif, non, en fait, c'est ça motif. Travaille avec des motifs, c'est des pour motifs, ça, oui, pour un peu. Ok, d'accord. Oui, donc ce travail, il y a un troisième, tu es en train de faire le troisième, c'est ça de la trilogie. Il y a un troisième qui va être sur quel courant? Ça va être sur le courant, je sais pas, il y a beaucoup d'expressionnisme allemand, ça va être très graphique, mais il va avoir beaucoup de nouvelles techniques, il va être stéréoscopique aussi, il va avoir beaucoup de trompes d'œil, la musique va être encore musique soviétique. Très très puissant, je vais utiliser Shostakovich dans ces films-là, mais principalement le film va avoir rien avec ça comme toujours, c'est inspiré par le fin de l'histoire de Francis Fukuyama et ça traite le problème avec la compétition, avec la nécessité de l'homme d'être toujours en compétition l'une entre l'autre. Ça part du clash de civilisation. La dichotomie, les antagonistes, et d'où cet antagonisme va nous amener. Parce que même maintenant, voir dans un temps quand il y a tellement de problèmes à régler, il y a Japon, tout ça, mais non, il y a encore des places, il y a encore des hommes qui se battent contre d'autres pour une seule raison, le pouvoir. Le pouvoir de gagner. Et on gagne quoi? Le film sur ça, on perd quoi en gagnant? Et parfois, on perd tous. Il y a déjà ça dans l'Ipset, dans It's a Competitive World. Enfin, voilà, c'est un monde très compétitif aujourd'hui. C'était il y a 50 ans. Enfin, oui. Quoi, les choses ont. Pas ouais. Forcément changé. C'est pas changé du tout. Ça va exister toujours, pour toujours. Anthony Tapies. Mon peintre favori. Bon. J'ai la chance. Ouais. Je suis bien tombé. Merci. Dans son livre, il s'appelle La pratique de l'art. Et il dit: il fallait tout rebâtir sur nouveaux frais, faire le vide, tout reprendre à la base en partant des choses les plus élémentaires. Quelques années plus tard, lors d'une conversation sur ce thème, l'écrivain Yvon Taillandier me rappela cette formule de Lao Tzu que j'éprouve sans réserve. Les rayons de la roue sont nombreux, mais c'est le vide qu'il y a au milieu qui fait avancer la charrette. En tant qu'artiste, j'avais instinctivement pressenti cette vérité qui, au fil des années, avait grandi en moi, m'avait habité. Malgré le règne actuel du compliqué, on peut de rien ou de très peu faire beaucoup. Des œuvres apparemment modestes peuvent aussi aller au fond des choses. Oui, c'est ça. Ce qui m'étonne quand je dis ça et quand je regarde, et je l'ai pas fait exprès, je savais pas que la pièce, et c'est le rapport. Tes films d'animation, en tout cas maintenant, sont très chargés. Il y a plein de choses. Il y a pas un trop seul. Choses, oui. Je sais pas. Oui. Il y a pas une seule. À un moment donné, où il y a un espace. Et quand pas je encore. Regarde, peut-être je vais. Écoute. Peut-être je ne suis pas assez bon cinéaste pour faire ce genre de film, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Peut-être une journée, oui. Mais quand on regarde les affiches, je ne sais pas si c'est bon cinéaste, mais quand on regarde tes affiches au début, le peu que j'ai vu, là il y a plus d'espace, il y a plus de choses. Est-ce que c'est... Au contraire, au début, c'est ça. Peut-être parce que je n'ai pas mis toutes mes affiches, mais mon parcours d'affiches, c'est la même chose que mon parcours de cinéaste d'animation. Au début, mes films ont été super chargés, super plein de choses. Et dans un moment, j'ai créé une affiche qui pour moi, c'est le meilleur, qui était sur un spectacle en Bulgarie, qui est autour de Maxime Gorky, la monnaie false. False coin. La monnaie fausse. Et qui j'ai créé pour 5 minutes, et c'est une juste lune ou c'est juste un œil qui est caché à moitié, et c'est le minimalisme pur. Tu sais, il n'y a rien, c'est une pointe blanche sur un fond noir. Et si j'arrive dans cette pointe dans mes films-là, ça va être mon dernier film. Parce qu'après ce que j'ai créé cette affiche-là, je me dis, ok, j'ai pu rien faire après ça. Tu arrives dans ce point-là et tu dois arrêter. Donc, si j'arrive dans ces films purs, qui j'espère une journée va arriver, je cherche pas nécessairement, mais je suis sûr qu'il va arriver, donc qui va être vraiment pur et essentiel. Et peut-être ça va être mon dernier film, mais je vais faire quelque chose après ça. Et pour passer après vers autre chose. Alors, on va finir sur le Japon. On va finir, super. Avec Haruki Murakami, voilà, le plus encore... grand écrivain contemporain que j'adore. J'ai de la chance. Il est vraiment... si tu lis un livre de Murakami, tu dois lire tout, parce que c'est contagieux. Oui, il est contagieux. Ça m'embêtait presque de ne pas savoir lire en japonais, parce que j'imaginais la langue qu'il pouvait, et à la fois le français, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez étonnant quand tu parlais tout à l'heure de langage. Il y a des langages, et donc elle s'est tirée, pas voulu forcément, mais quand même par rapport à maintenant, qui s'appelle Après le tremblement de terre, qui était après évidemment le tremblement de terre de Kobe. Et donc j'ai juste pris un petit passage, petit peu long, mais que je vais essayer de pas avancer long, mais qui dit « Quelques jours plus tard, alors qu'elle se promenait au bord de la mer, le soir, elle aperçut Miyake en train d'allumer un feu seul sur la plage. Elle l'appela, le rejoignit. Debout à côté de lui, devant le feu, elle se rendit compte qu'elle le dépassait de 5 bons centimètres. Après avoir échangé de banales formules de salutation, ils restèrent côte à côte à regarder le feu en silence. C'est alors, à la vue des flammes, dans la nuit, que Junko ressentit soudain quelque chose de profond, une sorte de bloc d'émotion, aurait-on pu dire, car c'était trop vivant, cela avait un poids trop réel pour être simplement appelé une idée. Cela disparut aussitôt, laissant une sensation étrange qui lui serrait le cœur comme un souvenir nostalgique après avoir parcouru tout son corps. Ce lui donna la chair de poule sur les bras pendant un bon moment. Monsieur Miyake, ça ne vous fait pas une sensation bizarre de regarder le feu? Quel genre de sensation? Eh bien, comme de sentir de façon très vive des choses dont on n'a pas conscience dans la vie ordinaire. Comment dire, je ne sais pas comment exprimer ça parce que je ne suis pas très intelligente, mais en regardant le feu, je ressens un calme profond sans raison. Miyake réfléchissait. Le feu finit-il par dire à une forme libre? Aussi, ceux qui le regardent se mettent-ils graduellement à y voir tout ce qu'ils veulent? Toi, par exemple, Junko, tu te sens apaisé en le regardant, mais c'est simplement un calme qui est présent au fond de toi qui se reflète dans les flammes. Tu comprends? Mais ce genre de choses ne se produit pas avec n'importe quel feu. Si le feu n'est pas libre, ça ne peut pas absolument pas se produire. Par exemple, ça n'arrivera jamais avec un brûleur à gaz, ni avec la flamme d'un briquet, ni même avec un feu de camp ordinaire. Pour que le feu se sente libre, il ne suffit pas de l'allumer dans un endroit où il pense qu'il va être libre. Ce n'est pas si facile à réaliser. Et vous, monsieur Miyake, vous réussissez à le réaliser? Parfois oui et parfois non. Mais en gros, oui, je peux le faire. Si je m'y efforce de tout mon cœur, j'y arrive. Vous aimez les feux de camp, hein? Miyake hocha la tête. Et quand j'ai relu ça, je me suis dit qu'on pouvait presque mettre le mot film ou plein de mots à la place du mot feu. Est-ce que ça parle dans quelque chose et par rapport à ce que quelque chose comme le feu, comme le cinéma, puisse finalement parler encore plus que la vie réelle? Le feu libre comme le cinéma libre, c'est de ça on parle, hein? Ouais, bon. On parle de cinéma libre. Donc, est-ce que si le cinéma est libre, en effet, est-ce que, c'est difficile de faire du cinéma libre, tu disais tout à l'heure? Moi, je suis je sais pas si le cinéma est libre, mais moi, je suis le réalisateur plus chanceux au monde et je suis heureux que j'ai pu faire tout ce que j'ai vu. Parce que moi, je me sens comme libre de tous. De moi-même aussi, même. Donc ça se transmet, donc ça permet de le voir ensuite sur l'écran, sur le grand, sur petit. Et si on regarde la fin dessous, c'est drôle parce que pendant tout le long dessous, c'est très rapide. On est dans des images très presque caricaturales quand on était une fois au Japon, mais qui sont évidemment les boissons, le saké, voilà tout ça. C'est Japon. Et c'est très rapide. C'est la vie au Japon qui est très rapide. Sauf qu'on a ces deux personnages qui n'arrivent pas forcément, on a deux têtes qui n'arrivent pas forcément, une femme qui n'arrive pas. Et d'un seul coup, on finit sur un jardin zen. Et là, d'un seul coup, tout s'arrête. C'est beaucoup plus calme. On est complètement dans un univers japonais comme ça. Alors, on va finir là-dessus sur bipolaire, encore une fois, puisque Encore une fois. Et sur ce côté un peu de vie. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que le cinéma de Théodore Chef, à un moment donné, va peut-être se calmer ou en tout cas prendre un autre sens? Oui, peut-être. On ne sait jamais. On va finir dans le jardin zen. Un jour, plus tôt ou plus tard, on finit toujours sur un jardin zen. Inévitable.